Il y a quelqu'un qui lance un truc? Allez, quelle est la batterie ou quoi là? Oh putain, j'ai un petit délai. Elle est un peu décalée. Encore le super plugin. Vous allez voir, là ça va être apocalyptique. Voir un peu de truc que ça. Attends, tu veux mon mail? Attends, ne touche pas. C'est kino@live.fr. Niger. Ça c'est du triton, ça. Ça c'est triton, ça. C'est corgue. C'est du corgue, ça. Ouais, c'est corgue. C'est triton et le, ça. J'en ai eu un. Trouver mes repères, je retrouve enfin ma joie. amours anciens, mes préférences et mon cœur d'adolescent. Y'a des colères nécessaires qui fouettent nos arrières, sans quoi la vie pourrait devenir amère. Mais moi je changerai l'univers et la vie est encore un sou. Ce périple aux quatre saisons, bordé d'espoir et de regrets, il est bon d'en scruter l'horizon. Pour accueillir de doux secrets, la vie est un pour nous un beau voyage d'un ruisseau suivant son. Dormir ne plus aimer, dormir, cesser de penser. Ouais, j'ai branché 5 essences. C'est pas Z-Runner. Du coup. démarre pas celle-là. Enregistre alors. Je vais essayer de vous faire un joli texte, un beau chant. Mon royaume à moi est là où j'habite. Il me suffit de peu de choses. La sérénité m'invite. Je ne crois plus à grand chose. Je me suffis à moi-même. Je repasse mon Dieu. Même si seul. Il est où le morceau là? Alors, il est où le morceau? Thank you. mensonges de l'univers. J'ai moins connu le froid de l'amour une fois. J'ai parti exalté de la mort qui nous sent et apprivoisé de la vie qui retombe. Regardez le froid qui m'empêche d'entendre. Je frôlais la mort avec la mort et je sais qu'il faisait froid. Eh oui. Je voulais partir. Vous avez vu, moi aussi j'ai du psychédélique. Hein. J'ai du psychédélique, moi, vous avez vu un peu. En fait. Salut Benji. Bonne nuit. Et le billet de banque, et vous assurez. La prochaine occasion, j'attends donc il faut profiter. Donc il faut profiter. And I was feeling fine. Titi. Come on and all the sounds went up. Policeman said to join the show. All the brothers getting busted outside. Undercover officer reading them their rights. It's a one-way ticket, boys, in prison bound. The night the lights in Dallas went down. So how long we gotta wait until get the keys to the mansion on a hill. How long we gotta waste our time? Caught in a bus that's bound for the welfare line. Je vais aller voir ça. She shakes the blues off when she tries her luck. Makes a little bet, hopes the horse comes up. She's picking pockets for easy money. J'ai passé un site, alors je sais pas si vous l'avez eu. Vous avez eu mon site là ou pas? Vous allez un peu voter et tout, ça me fera du buzz. In a bus bound for the welfare line. Welfare line. Tweet free going on 48. C'est plein qu'on aille voter là-bas. Right time, wrong. Oh, cliquez. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, on peut peut-être essayer de faire quelque chose avec lui. Vous en pensez quoi ?